J'irai te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si après cela ton cœur pouvait se sentir à l'aise. Te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si ce n'est pas la bonne couleur, j'en trouverai une autre qui te plaise. Sera notre alliance, les pétales seront notre lit. Je m'en vais te chercher cette fleur qui a la saveur du défi. Mon fidèle destrier m'attend là-bas à l'étable. Je prends mon armure, mon épée et mon téléphone portable. J'irai te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si après cela ton cœur pouvait se sentir à l'aise, te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si ce n'est pas la bonne couleur, j'en trouverai une autre qui te plaise. Qui saigne et les serpents qui cèdent, pour toi c'est bien simple. Je n'ai plus de limites, c'est sûrement un hasard. Si la pente est bien raide, voyons le bon côté. Je redescendrai plus vite. J'irai te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si après cela ton cœur pouvait se sentir à l'aise, te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si ce n'est pas la bonne couleur, je trouverai une autre qui te plaise. Je reviens en te tendant cette fleur de mes doigts écorchés. Voici que tu me dis que tu voulais celle d'à côté. Il y a ce quelque chose dans ton attitude qui me ferait te donner une baffe ou deux. Il y a ce quelque chose dans ton regard qui me fait fermer les yeux. J'irai te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si après cela ton cœur pouvait se sentir à l'aise. Te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si ce n'est pas la bonne couleur, j'en trouverai une qui te plaise. Te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si après cela ton cœur pouvait se sentir à l'aise. Te cueillir cette fleur tout en haut de la falaise. Si ce n'est pas la bonne couleur, j'en trouverai une autre qui te plaise.